parfumée elle est et elle est noire, comme vous le voyez. Elle est grise, en fait. Non. Elle est grise et elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. La fumée est blanche. Elle est blanche, ma chère. Oui, elle est tout à fait blanche. Aussi populaire qu'un pape, il est riche comme un pape, mais heureusement, il est un peu plus dynamique qu'un pape. Voici votre animateur, Jean-Philippe Happy Mousse Bondieu. Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de notre grosse semaine passée à Rome, hein, au Fred Radio-Canada. C'était-tu le fun? Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, grosse semaine. Et que c'était le fun. Puis c'était facile d'aller là-bas, tout Radio-Canada est parti. Hein? On n'avait qu'à demander, un avion en Elysée, tout le monde partait. C'était une semaine malade, c'était fénérique. Fénérique, frère. Et en plus, tout le monde était là. Je sais! Hey, moi, là, j'ai même vu du monde de Radio-Canada que je vois même pas au bureau ici. Je les ai vus là-bas. C'était capoté. C'était un gros party au Fred de la Reine. T'es capoté. Oui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller au Vatican. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? On a des cocktails. Toutes les cocktails. Heureusement, on avait le câble dans notre suite. On ben, parlez pour vous. Hein? Moi, j'avais que deux spas. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'était bon. Hein? C'était bon. On a pu écouter ça à RDI, la nomination du nouveau pape. Là. Oui. Hey, c'était vraiment excellent. Ah, hein? Oui. Surtout avec Céline Galipeau et Alain Crevier en direct. Ben, on pense que c'est eux autres. Hein? On les a pas entendus avant quasiment la fin de la nomination. Juste le temps que je cherche c'était qui le nouveau pape, on était déjà rendu à François II. Ah oui, non, c'était long. Mais finalement, c'est sans surprise, en tout cas pour nous, qu'on a appris que c'était le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio. Ah mon Dieu, c'est un voyage. C'est un voyage quand vous parlez comme ça. Je sais, j'ai voyagé dans ma vie. Qui va donc succéder au pape émérite Benoît XVI. Oui, quand même un peu plus jeune, hein, 76 ans. C'est un souffle d'espoir. Oui, un petit souffle quand même. Ouais. Hein, on a appris qu'il y avait juste un poumon. Ouais, il y a juste un poumon. Non, mais c'est pratique, un poumon, hein. Il va expirer plus vite. Oui, il va être bien moins long. Hey, ouais. Une jeunesse, donc, qui est née en 1936. Ouais, c'est ça, fun. Les belles années de Franco. Oui. Ah, les souvenirs. Il me semble qu'on est rendu que. Je sais pas si c'est moi, là, mais il me semble qu'on est rendu qu'on choisit notre pape comme on choisit nos locations de char. C'est vrai. Hein? 48 mois max sans intérêt. Sans intérêt. Non, mais moi, j'aimais mieux quand on choisissait les papes comme une hypothèque. Là. Ouais. Hey, Jean-Paul II, ça a été du 25 ans à terme, ça. Oui, mais ça. Ouais. Hey, il est parti, le Vatican t'a payé. Payé. Yeah. Rénové, payé, on clé en main. On voit à court terme. C'est ça le problème. En tout cas, on devrait pas trop voir de différence. Hein? Le nouveau pape est contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, contre l'euthanasie aussi, contre l'ordination des femmes, contre le contrôle des naissances. On peut donc dire que c'est un pape qui est modéré. Oui. Une transition en douceur. Oui. Et bien qu'il est très sensible aux pauvres. Oui, contrairement à Agnès Maltais. Ah ouais, non. Hein? Ah, elle serait pas pape, elle. Oh boy, non. Colin, s'en prendre aux pauvres de même, c'est écœurant. Ah non, mais il paraît même qu'il y a des pauvres qui songeraient à quitter le Québec. Ah non, c'est rendu écœurant. J'imagine qu'ils font de l'angoisse fiscale aussi, frère. Non, de l'angoisse tout court. Ils n'ont pas les moyens de faire de l'angoisse fiscale. Je comprends. Mais il y a une question importante qui se pose là, avec ça. Là. Si le PQ veut couper les assistés sociaux, là, est-ce que ça veut dire que le nouvel amphithéâtre de Québec va recevoir moins d'argent? C'est vrai. Hein? 400 millions en fonds publics, c'est à CBS, merci. Mais oui, c'est écœurant, payé! Ça va bien aller, Fred. Mais peut-être, dans le fond, qu'ils vont juste enlever 129$ sur le 400 millions. Peut-être. Une poutre de moins. Une poutre de moins. Ben oui, c'est pas grave. Hey, parlant de petites coupures, il y a Justin Trudeau qui doit se faire aller le sourire mais assez merci hein, depuis qu'il a appris que Margano se retirait de la course à la direction du Parti libéral du Canada. Hein. Garneau va même appuyer Justin Trudeau. Mais là, franchement, il a passé la dernière semaine à dire que Justin manquait de contenu. Ouais, faut croire que Margano s'est apprécié un beau vide quand il en voit un. En même temps, il est allé dans l'espace, fait que même qu'il y a un trou noir, il sait que... Une étoile filante, t'as déjà vu ça? Autre grosse nouvelle cette semaine, l'enquête préliminaire en vue du procès de Luca Rocco Magnotta est commencée et ce ne sera pas à huis clos, hein, malgré les demandes de ses avocats. Ah, finalement, ses arguments ont été découpés en morceaux? Oui, Fred, et dispersés un peu partout au Canada. Bon, je pense que c'est comme le seul bout de l'émission qu'Éric Duhaime aimerait. Je pense que... Ouais. Alors, il y a besoin de rire là, avec les derniers chiffres de ces codes d'écoute qui sont sortis. Oui, je pense qu'on dit d'ailleurs le chiffre de ces codes d'écoute. Ouais. On le salue. Éric Duhaime. Non, son auditeur. Ah! Il s'appelle Steve, d'ailleurs. Ouais, Steve. J'ai déjà rencontré. Rock on, mon Steve. Le gros. En tout cas, on n'a plus d'invités que Radio X a de code d'écoute. Oui. On reçoit d'abord Yves Pelletier, l'ancien de RBO, qui fait maintenant carrière dans l'immobilier, je pense. Je pensais qu'il avait racheté les magasins de Daniel Spécificité. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Enfin, on reçoit également le chef du Bloc québécois, Daniel Payet. Oui, qui va être ici ce soir avec nous. Le Bloc québécois. Oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Ben, on aura le temps de vous rafraîchir la mémoire, mon bon Fred, parce que la soirée est encore jeune. Olivier Niquette, les internets. Oui, ben les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire que selon le nouveau président du Venezuela, oui, c'est Hugo Chavez lui-même en direct du paradis qui a conseillé au petit Jésus de choisir un pape sud-américain. Ah. Hey, ça prend pas de break ce monde-là, hein? Ah non, ah non. Colin, même pas le temps. Pas de pirogatoire, direct au paradis. C'est le bon monde, c'est le même. Hey, grosse semaine d'actualité. Grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas le temps de parler de la décision choc du CRTC qui refuse de changer la licence de Planète Jazz pour qu'elle devienne Radio X Montréal. Oh non! Ouais. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de remettre du jazz. Oui, ouais, c'est ça que ça veut dire. Ben oui. Ouais. Ah, mais ça va peut-être faire augmenter un peu le code d'écoute. Hein? Ben, c'est pas fou. Moi, je connais presque deux personnes qui aiment le jazz. Augmentation potentielle de 100%. Faut voir dans l'avenir, mon Fred. Ouais. On l'a vu cette semaine, il y a 5 anciens de Musique Plus qui ont proposé à la blague sur leur page Facebook de racheter la station mise en péril par la fusion Bell Astral. C'est pas une mauvaise idée. Hein? Et on se demande de quelle façon on pourrait renouveler la station Musique Plus afin qu'elle ait encore sa place dans le paysage télévisuel. Ouais. Et cette réflexion nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors voici, à notre avis, les 5 meilleures idées pour que Musique Plus reste en vie. En 5e position, mettre de la musique. Pas fou? Pas fou. Ça fait 15 ans que la seule musique de la station, c'est dans le titre. Très bon. En 4e position, transformer Musique Plus en école pour caméraman avec le Parkinson qui bouge, là. Ça serait juste une prolongation du mandat. Finalement. Ça serait comme l'émission Bouge de là, mais tout le temps. Ouais. Merci. En 3e position, faire en sorte que la station serve à nous faire découvrir les Véronique Cloutier de demain. Non. Je pense que c'est assez. Ah oui? Ouais. Mon Dieu. En 2e position... Qu'est-ce que j'avais écrit, moi, dessus de ça? C'est peut-être même trop frais. Ah, mon Dieu, que c'est méchant. En 2e position, que Musique Plus devienne le diffuseur officiel de la Commission Charbonneau. Ça, c'est pas fou. Ben oui. Il y a plein de chantage à la Commission. Là, c'est un naturel pour une station musicale. Ben oui. On pourrait même mixer ça avec Jackass. Ben oui. Hein? Il semble qu'il y a Trépanier là, avec un pétard dans le derrière, dans une côte, un tricycle avec des clous. J'aimerais savoir ça, moi! Mais ouais! Calmez-vous. De payer! C'est ça. C'est drôle, ça, je me disais, Fred. Et la meilleure idée pour que Musique Plus reste en vie, ben, il pourrait peut-être juste fermer la station. Non, mais avec YouTube et tout, là. Ah, ben en plus, non, mais on doit pas être les seuls à penser ça. D'après moi, Annick Jean est aussi de notre bord là-dessus. Ouais. On va en profiter, Fred. Notre premier invité. On l'a connu comme membre de Rock et Belles Oreilles. Il s'est ensuite transformé en comédien dans Carmina et en réalisateur dans des films dont on oublie le nom. Ah. Accueillons monsieur Yves Pelletier. Salut. Bonsoir. Oh. Ah. Ah. Hey, juste vous dire, parce qu'on est à la radio, là, les gens voient pas, mais vous avez un chandail du Blackhawks de Chicago. Non, c'est un chandail à l'effigie de Franco Nuovo. Ah. Tu trouves pas que la ressemblance est frappante? Hein? J'avoue! C'est Franco avec des plumes. Mais me semble que Franco, les plumes sont plus hautes. Ah. C'est un chef indien. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Non, ça veut dire qu'il est temps que je fasse mon lavage. Ah, OK! Mais la principale raison de ma présence ici, Jean-Philippe, c'est que je veux toujours savoir où en est ta chevelure. Tu vois, c'est comme là. Et je suis rassuré de savoir que même qu'à la radio, hein, elle est ferme. Garde. Espiègle! Elle est espiègle! Je suis plus capable de vous regarder sans penser à Franco. Ben oui, regarde! Mais c'est fascinant. Allez voir ça sur Internet, le signe des Blackhawks de Chicago. C'est Franco Nuovo. Juste pour préciser une couple de choses. Là. Toi, tu pratiques tes questions pour Télé-Québec? Oui, ouais, c'est ça. L'année prochaine? Oui, pour la semaine. Ouais. OK, alors, qui a été nommé pape? Jorge. C'est un gars qui parle aux moineaux. Là, c'est exactement ça. Saint-François d'Assise. Oui, oh, c'est beau. Je sais pas la grosseur des moineaux, là, mais il y a des enquêtes présentement là-dessus. Répétez, pouf! Ben là, on m'a dit que c'est un show ironique. Bon, excusez. Oh, non. On rit, non, mais je suis content, non, mais je suis content. Non, ben, pas. Je suis content pour lui, c'est un gars. Il paraît que c'est un bon gars. Ça paraît que c'est un bon gars. Hey. En tout cas, ça a l'air qu'il a fait vœu de pauvreté, mais il s'est pas empêché de manger. Non, ben... Mais c'est pas ça. Il n'y a rien qu'un poumon. Ah, il y a peut-être la dysenterie. C'est pour ça. Il y a peut-être juste un estomac aussi. Uh-huh. Quoique. Il y a peut-être la dysenterie, hein, ça fait gonfler. Oui, bon. Normalement, quand on reçoit des gens ici, il y a un prétexte. Là, on a reçu Philippe Couillard, justement, parler de la course à la chefferie. On va recevoir Daniel Payet pour son nouveau parti, là, le Bloc québécois. Vous, on vous reçoit parce que vous avez fait beaucoup parler de vous ce temps-ci. Il y a des pubs qu'on voit qui s'appellent les pubs de Proprio Direct qui ont fait beaucoup, beaucoup jaser. C'est vrai? Qui a jasé de ça? J'étais pas au courant, j'étais en Afrique. Ben, pour c'est vrai, ça! C'est ça! Non, je fais une émission qui s'appelle Partir autrement. Oui, je sais, on va en parler. Oui, oui. Oh, tu vas en parler quand même? Oui, moi j'ai ça, j'ai checké ça sur. Mais je veux juste vous rassurer, c'est pas payé avec vos taxes. C'est pas payé avec vos taxes. Ça serait le maudit bout. Non, c'est... qu'est-ce que les gens disent? Bien, en fait, je lis parce que Hugo Dumas, dans la presse, que j'ai lu... Je pensais que c'était Marc Cassif, fait que je l'ai lu. Okay. Et Hugo a écrit dans sa chronique « Lévite », hein, tu sais, je lévite, L apostrophe, évite, comme dans invité. Yves Pépeltier est un gars brillant et cultivé, alors pourquoi s'acharne-t-il à ressusciter son personnage de grand nono surutilisé dans RBO? Dans les nouvelles réclames de l'agence immobilière, ce n'est plus drôle de l'entendre jouer au niais comme ça. Oh. Yves Pépeltier est capable de mieux, beaucoup mieux. Hey, là, un, il est rough, mais deux, est-ce que c'est vrai que vous êtes capable de mieux? Je ne sais pas, mais c'est parce qu'il n'a pas fourni la liste de ce que je devrais faire, tu sais. Ah, c'est ça. Mais je dois dire que je reçois des commentaires très, très positifs. Ah. Ben oui, on m'a demandé pour faire la voix, pour aller chanter Proprio Direct à la voix. Non, écoute, je peux-tu répondre sérieusement? Ben, j'espère. C'est que ça arrive souvent qu'on me demande pour de la publicité. D'ailleurs, RBO, on a fait de la publicité. Ouais, ben oui. Et les membres d'RBO en solo aussi, on a tous fait de la publicité. André Duchamp, on l'entend partout. Là, donc, les gens de l'agence sont arrivés avec cette proposition-là de campagne-là. Oui. Qui est un peu comme un anti-porte-parole. J'ai trouvé ça très drôle et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Bon. Mais comme tu le sais, on peut jamais faire l'unanimité. Ça, tu as tout à fait raison. Et tu seras peut-être un lévite de Hugo, peut-être, l'automne prochain. Dis-moi pas ça, s'il te plaît, Yves. OK? Monsieur Pépeltier, ça me fait stresser bien raide, cette affaire-là. Moi, je dors plus. Arrête, c'est pour vrai? Non. Mais faites votre lavage pendant que vous faites de l'insomnie. Au moins, je verrai pas Franco tout le long de l'entrevue. Bon. Mais vous prenez pour le Black Ox? Non, mais j'ai toujours été fasciné par le chandail des Blackhawks de Chicago. Ah oui? Oui. Au 20e siècle, à l'époque. Là, okay, là, il faut vraiment remonter dans le temps de Stan Mikita. Ah, mon Dieu! Ah, tu vois, il y a un hochement de tête. Ouais. Mais c'est un autre aïeul. Fred Savard aussi faisait beaucoup rire mes parents à l'époque. Oui. Parlons un peu de partir autrement. Oui. Parce que vous êtes rendu à votre cinquième saison? C'est la cinquième saison, mais moi, c'est ma deuxième. La deuxième, parce qu'avant, c'était Bruno Blanchet qui s'occupait de ça. Et là, vous voyagez énormément. Oui. Et cette année, vous avez commencé vos reportages. Vous revenez d'Afrique pour vrai? Oui, j'étais au Togo et au Bénin. Et puis, combien de temps qu'on va là quand on prépare une émission? Ah, bien, on tourne l'équivalent de 6 jours okay. par endroit qu'on visite. Et on part à peu près 13-14 jours. Donc, tu vois, on n'a pas le temps de prendre des vacances. Là. Ah, on est là. C'est pas comme à la zone qui rôme. Es-tu au courant? As-tu déjà vu cette émission-là partir autrement? Sans blague, tout à fait. Ça parle du tourisme équitable. Oui. Donc, laisse-moi répondre sérieusement. S'il te plaît. Oui. Hey, c'est une émission qui me fait du bien parce que je rencontre à répétition des gens qui veulent, à leur mesure, à une petite échelle, qui veulent changer le monde. Donc, ça veut dire que vous, là, oui. Vous allez me juger si je vous dis que j'ai pris un tout inclus à Cuba? Pas du tout. Non? Est-ce que vous êtes le genre non, à faire ça? Non, non, non, tu vois, moi, je n'ai pas une pensée manichéenne. Non? OK, d'accord. C'est possible d'aller dans un tout inclus, si tu as le goût d'aller dans un tout inclus. Mais tu peux aussi, faire un petit bonus à ton séjour en allant encourager une initiative justement, équitable. On ferait quoi, par exemple? Ben, je te donne un exemple. L'année passée, j'étais en République dominicaine à peu près 3 heures de route de Punta Cana. Tu peux aller dans un tout inclus à Punta Cana, puis à un moment donné, aller passer 2 jours à l'intérieur des terres. C'est un endroit où ils font la fabrication du cacao, un cacao biologique. Mm-hmm. Tu es hébergé chez l'habitant et tu contribues au un village, ses habitants, une initiative touristique. Donc, tu vois, tu fais 3 heures de route aller-retour, tu vas passer un petit week-end de plus là et t'as un petit côté équitable dans ton voyage. Est-ce que c'est facile à faire, ça, pour le commun des mortels? Je suis allé, puis j'étais un personnage niais. C'est vrai. J'imagine que ça se fait. Voyons. Hey, on a parlé de plein de choses, mais on n'a même pas eu le temps de parler. Premièrement, RBO. Là. Est-ce que ça va revenir à quelque part, ça? Parce que là, on écoutait le bye-bye récemment, puis on s'est dit RBO va-tu revenir? Ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Ben écoute, on est pas mal tous occupés, chacun de notre côté. on n'était même plus capable à la fin de faire notre pool de hockey. C'est... Ben, voyons non, mais c'est donc. Vrai. À un moment donné, c'est... Les priorités, hein? Hein? Quoi? Les priorités. Non, non, ce que je veux juste dire, nos emplois du temps... Font que c'est ça. Puis dans la façon dont on fonctionne, nous autres, c'est un peu communautaire, comme à l'époque de CBL. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça à distance. Donc, il faut avoir des vraies rencontres, des vrais échanges, des vrais brainstorming et tout ça. C'est plate, ça. Et donc, il y a un moment donné où c'est fini. On n'était plus capable. Vous faites des films aussi. Et puis, vous n'êtes pas très productif. 2004-2010. Oui. Là, on est rendu en 2013. Est-ce que vous avez un troisième film qui sort bientôt? Est-ce que vous préparez un troisième film? Sortir, mais avant. Il faudrait le créer. Hein? Ah, est-ce que vous avez un projet? Oui, j'en ai plusieurs. Mais c'est au stade embryonnaire. Ah. Tu sais, comme tu as entendu M. Goudzo dire qu'est-ce que c'est que le public québécois oui, désire. C'est ça. Alors, ce que je suis en train d'écrire, c'est, je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Donc, à un moment donné, il faut être persévérant. Oui. Il faut être persévérant. C'est quoi l'idée, vite demain? Laisse-moi répondre sérieusement. Ben oui, c'est ça. Je fais depuis tantôt. Depuis que je fais du cinéma, de la réalisation, puis j'ai des scénarios. Je propose un type de comédie plus sentimentale, un peu plus dramatique. Ouais. Et les adeptes de la grosse comédie à se taper ses cuisses, c'est pas nécessairement le genre de projet qu'ils veulent encourager. Non, et les gens qui font du film d'auteur, non plus. Ouais. Donc, je me retrouve à être entre les deux. Oh. C'est hybride. C'est comme un char hybride. Oui, je suis dans l'équitable, l'hybride. Le pas d'argent. Le pas d'argent. Ouais, c'est ça, donc, comprends. Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et de persuasion. Mais je vais y arriver d'ici 2025. Ben, on se le souhaite, parce que Les Aimants, c'est en 2004, Le baiser du barbu en 2010, et là, ben, c'est ça, on attend impatiemment votre... Je pensais à ça récemment et je me disais, parce qu'on a reçu, en fait, au téléphone, M. Goudzo, qui nous donnait des conseils comment faire un bon film de manger de popcorn. Mm-hmm. Et puis là, je vous vois avec votre chandail de hockey, puis je me dis, il y a un filon, là. Faudrait faire un film de hockey. Un film de hockey, c'est ça? Avec, et puis là, je lance ça avec Wayne Gretzky. C'est audacieux. Ah, avec Wayne Gretzky. Non, ben, mais non. Non? Non, non, non, non. C'est avec la fille de Wayne Gretzky. Ben oui, Paulina, je trouve qu'elle fait... Paulina. Enfin, là, on a... Mais je suis pas sûr, moi, tu sais, genre, mettons... OK, ouais. OK, sirop d'érable. Quelque chose de collant. Monseigneur Ouellet. Ouais. Moins vendeur, mais... Marie-Mé, oui. Ouais. On a quelque chose, là. Marie-Mé qui arrive en saut d'hockey. Marie-Mé en sirop d'érable. Ben, avec Paulina Gretzky. Ouais. Bon, on a un film, je pense. Voilà. Excellent. Ouais. Hey, on n'a pas eu le temps de parler de plein de choses, mais vous restez avec nous. On va recevoir Daniel Payet, qui a peut-être des super bonnes idées de films aussi. Daniel Payet, pas le joueur d'hockey, là. C'est-tu son oncle? Non, mais tu te trompé. Daniel Payet. Non, c'est qui Payet, le joueur de hockey? C'est qui Payet? De Boston? C'est Daniel Payet aussi. Arrêtez donc. Ben, du coup, c'est lui qu'on reçoit, puis je ne me suis pas préparé adéquatement. Il y a eu une passe. Une passe? Il y a eu une passe hier. Mon Dieu, oui. Ouais. OK, ben on va partir là-dessus. Okay. Vous allez m'aider au pays, vous restez avec nous. Est-ce que vous voulez une bière? Ça peut être long. Oui, j'aimerais ça. Oui, bien, regardez, c'est une bière sans gluten. Faites attention. Ah, c'est une bière équitable? Oui. Ben OK, oui. Tu me la donnes directement. Ben exactement. Il n'y a pas de... c'est ça, là, d'intermédiaire. C'est-tu une bière qu'on boit? Non, par exemple, c'est à regarder seulement. Okay. Les bières équitables, c'est souvent ça. Okay. Plusieurs personnes ont critiqué le fait que Radio-Canada en a mis beaucoup sur sa couverture de la course au nouveau pape. Mais nous, à la soirée, t'es encore jeune, on trouve pas. Non. Hein? Puis on a décidé d'en rajouter une couche, on écoute. Gamelle. Gamelle. Gamelle. Gamelle. Gamelle. Gamelle. Ce soir, à Bien dans sa gamelle, le rendez-vous des mangeurs, toute l'équipe est au Vatican pour clore cette belle semaine papale radio-canadienne. On aura Lionel Levac qui a rencontré un éleveur de brebis égarées qui nous suggérera des façons de les apprêtrer. On goûte des hosties et on vous prépare des sauces à l'eau bénite pour les accompagner. Et en fin d'émission, on vous pose la question suivante. La marde de pape, l'engrais idéal pour le potager? Bien dans sa gamelle, ce soir, juste après le souper et dans les Maritimes, juste avant le coucher. Là, là, bon. Oui. Vous commencez à le savoir, hein? Il n'est pas heureux ici à la soirée est encore jeune et depuis l'été dernier, il a tenté de devenir policier, pape, animateur de Radio X, ingénieur véreux et semble-t-il qu'aujourd'hui, il tente un ultime changement de carrière. Je parle évidemment de Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va pas pire. Ah oui, on est fatigué, c'est ainsi. Ben, regarde. Moi, je suis fatigué depuis une couple d'années comme ça. Je me lève tous les matins invariablement pour travailler. Puis là, j'ai plus le goût de rien faire. Ouais, ben non. Juste m'effoirer sur mon couch, me lever à midi, écouter le Canal 10, me faire routir des tranches de ballonnés dans un poêle. Ben oui. Vous avez donc compris que j'ai le goût de devenir un assisté social. Non. Donc, j'ai eu l'idée, évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'eux dans les médias depuis quelques jours. Mais avant de me lancer sur ce beau projet de vie-là, j'ai décidé de rencontrer une spécialiste sur le sujet qui va pouvoir me dire si effectivement cette vie-là est faite pour moi. Elle a consacré sa vie au travail communautaire. Elle est candidate depuis plusieurs années pour Québec solidaire. Vous l'avez reconnue, évidemment, hein, Saint-Sébastien, c'est Madame Manon Massé. Manon Massé, bonjour. Oui, bonjour Saint-Sébastien. Ça me fait vraiment plaisir d'être à vous autres. Savez-vous, pour moi, c'est une grande, grande première ce soir. Pourquoi donc? Parce que ça fait 30 ans que je travaille avec les gens qui sont sur l'aide sociale et c'est la première fois que je vais accompagner quelqu'un qui hésite à faire le choix. Un bon 30e anniversaire, on est très, très, très, très touchés. Bon, alors, justement, avant de commencer à savoir ce que c'était pour moi, on va revenir, si vous voulez bien, évidemment, sur ce qui se passe présentement à Québec. Moi, je veux dire, vous connaissez ça, évidemment, beaucoup, l'aide sociale, hein, vous êtes à Québec solidaire, je veux dire, les assistés sociaux, c'est un peu votre clientèle naturelle, hein, on se trompe pas quand je dis ça. Non, mais nous, on n'a pas de clientèle à Québec solidaire, là. Le monde passe par la caisse, là, hein, c'est des électeurs électrices, mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'entre eux ont compté sur le PQ, puis là, ils doivent plus compter ben, ben gros. Et tablette, vous ne l'avez pas envoyé dire. Là, parlant de ces fameuses petites réformes, Nagesse Maltais, moi, je pense que le monde capote pour rien. Bon, évidemment, certaines personnes pourraient voir leur chèque diminuer à 604 piastres par mois. Moi, je pense que 604 piastres, c'est déjà quand même pas mal. Une belle petite fortune, si vous voulez mon avis. Moi, je pense qu'avec un bon budget puis un carton de cigarettes indiennes de moins par mois, c'est possible de mener une belle petite vie de pacha dans Oma, non? Mais là, Oma, tu sais, vie de pacha, faut s'entendre, là, tu sais, sauf si peut-être on réussit à se faire un logement en carton. On n'est pas capable de s'en payer un, là. Hein? 604 piastres par mois, Jean-Philippe, pense-y, là. Bon, hein, pensez-y, Jean-Philippe. Ben... ceux qui chialent aussi, évidemment, ceux qui chialent, ce sont beaucoup les vieux. Hein? C'est que la réforme prévoit cibler les prestataires de 55 à 57 ans. Puis là, les vieilles personnes disent, bah, bah, bah, c'est dur à notre âge de trouver une job. Je m'excuse, moi, je connais un bonhomme de 76 ans, rien qu'un poumon qui vient de se trouver une grosse job de cadre en Italie. Fait que, hein, tu sais... Non, mais c'est parce que là, t'as un gros préjugé, là. Parce que tu peux pas imaginer comment Jean-Sébastien, je voulais dire tantôt. Mais Jean-Philippe aussi, tu peux y penser. Ben oui, j'y pense tout le temps, moi. Tout le temps. Tu y penses, hein? Ben, hein. Alors, donc, plein de ce monde-là cherche vraiment à se trouver de l'emploi, mais les préjugés des employeurs les laissent souvent à la porte. Alors, faut croire que le bon Dieu, il n'y a pas de préjugés, sauf peut-être au moment de l'embauche concerne les femmes et les homosexuels, mais sinon, les vieux, c'est pas de préjugés là-dessus. Moi, j'aime pas ce qui se passe présentement. Vous êtes en train de me sensibiliser. En tout cas. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre notre réflexion. Ah, vos préjugés nous font du bien. Vous êtes fin. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Boutier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui pense que la chapelle Sixtine devrait faire de la fumée bleue. Juste pour le fun. Bon. On a-tu hâte qu'il prenne des vacances, Jean-Sébastien? Ah! Et Colin Debine. Il est une inspiration pour tous, c'est la chronique de Fred Savard. Merci, c'est toujours du cœur que ça vient, ah, ça, quand très, j'ai présenté. Très agréable. J'avoue, j'aurais pu profiter du passage de Yves Pelletier pour rendre hommage au groupe RBO. Un groupe qui a bercé mon adolescence, mais Radio-Canada a présenté récemment une série de 4 heures sur eux. Et de toute façon, RBO s'auto-hommage aux 5 ans depuis leur 20e anniversaire il y a 10 ans. Alors, je me suis dit que c'était pas nécessaire d'en ajouter finalement. Non, je vous propose plutôt une chronique instructive pour les plus jeunes qui nous écoutent. Une incursion dans le formidable histoire du Bloc québécois. Oh! C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que le Bloc est un parti moribond, mais rappelons-nous du Parti conservateur de l'après Mulroney. Ils étaient passés d'un gouvernement majoritaire à 2 députés l'élection suivante, et pourtant, ils sont majoritaires aujourd'hui et font un travail formidable. Chose qu'on ne peut affirmer que si on est membre du parti, si on est un homme blanc fâché, ou encore si on s'appelle Maxime Bernier, lui qui remplit très bien les 2 conditions précédemment nommées. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il remplit de façon adéquate. Parlez-en à Julie Couillard. Oh mon Dieu! Oh. Comme le sujet est aride et que la génération Y a une capacité d'attention qui se compare à celle d'une gerboise adulte, je parsemerai mon exposé d'un mot coquin afin de maintenir l'intérêt, alors soyez sur vos gardes. Ouais, il faut donc se rapporter à la période trouble des accords du Lac Meech pour situer la naissance du Bloc. Bon, j'énumérerai pas les 5 conditions, vous les connaissez, sinon je n'ai qu'un mot à vous dire. Attention, mot clé, pénis! Alors, est-ce qu'on a l'attention des gens? Ben, ça fonctionne très bien. Ouais, okay. Alors, l'accord est ratifié par 9 provinces et Ottawa. Seul le Manitoba et Terre-Neuve s'opposent à la patente et l'accord tombe à l'eau. On décide quand même de tenter une dernière fois de sauver les meubles en édulcorant les conditions. Je vous passe les détails. Là, j'aurai encore trop de mots pénis à vous dire. Mais tout ça aboutira aux accords de Charlottetown qui seront eux aussi un échec. Lucien Bouchard, alors ministre de l'Environnement, démissionne pour protester contre le rejet de l'entente. Mmh. Avouez que Lucien Bouchard, ministre de l'Environnement, c'est assez loufoque. Mais nous étions en 1990, Vanilla Ice était la vedette de l'heure, Claude Meunier était drôle et les téléphones cellulaires ne servaient pas encore à prendre des photos de notre pénis! niaise. Ah, il dit pénis. Donc, c'est fou. Donc, Lucie Bouchard démissionne avec d'autres conservateurs, ainsi que deux libéraux, Gilles Rochelot et Jean Lapierre. Oui, oui, Jean Lapierre, là, la fouine officielle du PLQ au 98,5. Il ne restera pas longtemps au Bloc, lui qui aurait été souverainiste qu'un avant-midi, une fois au chalet. Aux élections fédérales de 93, le Parti libéral de Jean Chrétien accède au pouvoir, mais le Bloc remporte 54 sièges au Québec et devient ainsi l'opposition officielle. Attention tout le monde, 1, 2, 3... Pénis! C'est... Tous les... L'attention est là. Juste dire que c'est pas le mot qu'on pense, c'est un mot latin. Oui, hein? Ouais. Oui. Tous les espoirs sont permis puisqu'un référendum se prépare au Québec pour 95. La campagne référendaire démarre sous les ordres de Jacques Parizeau, mais on trouve que ça lève pas trop. Et on donne les rênes de la campagne à Lucien Bouchard, qu'on considère plus modéré et progressiste. C'est le temps, je pense, pour un autre. 1, 2, 3, pénis! La campagne a le voile dans les voiles jusqu'à ce qu'une bactérie mangeuse de chair frappe Lulu de plein fouet. Alors qu'il est entre la vie et la mort, on suppute sur un complot fédéraliste qui aurait créé la dite bactérie, ce qui est plausible puisque les libéraux ne manquent pas de bactéries à l'époque. On n'a qu'à penser à Pierre Petitgroux ou Stéphane Dion. Lucien Bouchard survit mais doit se faire amputer un membre. Ça lui laisse une belle jambe, comme le dit le poète. Le camp du non l'emporte tout de même. Parizeau démissionne de son poste de premier ministre et Lucien Bouchard lui succède. Michel Gauthier devient chef du Bloc, mais il ne fera pas long feu, incapable de maintenir l'unité au sein du parti et démissionne l'année suivante. L'entre-déchirement est déjà le sport national des souverainistes à l'époque. Attention tout le monde! 1, 2, 3! Pénis! Ça n'a pas de bon sens. Gilles Duceppe lui succède à la base du parti pour les élections de 97. Ah mon Dieu, y a le patron le qui est Bloc québécois fait élire 44 députés et perd le statut d'opposition officielle aux mains du Reform Party de Preston Manning. Je vais m'abstenir ici de lancer le mot pénis. Ce serait inconvénient dans une même phrase avec Preston Manning. Durant l'élection de 2000, le Bloc poursuit sa lente agonie en ne récoltant que 38 sièges. On lui prédit une fin proche, mais l'impopularité du gouvernement Charest de 2003, mais surtout le scandale des commandites qui bat son plaid à Ottawa, redonne espoir aux bloquistes. Pour les plus jeunes, le scandale des commandites, c'est un peu comme la commission Charbonneau d'aujourd'hui, avec plein de messieurs qui ont les poches pleines, mais la mémoire pleine de trous. La seule différence, il y avait moins d'Italiens à l'époque. Le Bloc fait élire 54 députés en 2004, 51 en 2006, 49 en 2008. C'était la belle époque des gouvernements minoritaires et des élections aux deux ans. Attention tout le monde, 1, 2, 3! Ah, frère! Et ensuite, l'élection de 2011. La première, je peux pas croire que je fais ce chronique-là. Non. La première avec à sa tête Daniel Payet, où seulement 4 députés seront élus, mais heureusement, grâce au transfuge Claude Patry qui passe au NP, du NPD au Bloc, le parti verra ses effectifs augmenter de 25%. C'est quand même formidable. Alors voilà, c'était la formidable épopée du Bloc québécois. Pour ma part, je vais aller de ce pas prendre ma douche afin de m'assurer que la semaine prochaine, j'aurai un meilleur sujet pour ma chronique, quitte à vous entretenir de la formidable épopée du... Ah! Ben, c'était peut-être votre dernière chronique. Hein? Merci, Fred. Vous l'avez dit combien de fois, Fred? 7 fois. Non, j'ai l'impression que vous l'avez dit plus souvent que ça, non, Fred. Non, non, non. Merci. Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, de retour avec Manon Massé, la pape des pauvres au Québec. On parle de l'aide sociale à laquelle je tente d'adhérer parce que je suis bien tanné de travailler. Oui. Manon, avant de parler de mon cas, on va conclure sur vos observations sur la réforme Maltais. Alors, ce qu'il y a dans cette réforme aussi, c'est qu'elle prévoit limiter les traitements défrayés par les prestataires de l'aide sociale qui veulent être traités pour une dépendance pour une durée maximale de 90 jours. Je veux dire, en même temps, je vois pas y où le problème. On peut très bien travailler drogué, puis au PQ, ils sont pas capables. Ils savent que même avec une paille dans le nez, tu peux travailler. Écoute, c'est pas moi qui fais l'embauche au gouvernement du PQ. Ce qu'on sait, par exemple, et ça, c'est clair, c'est plus que tu règles des problèmes de dépendance, de toxicomanie, plus tu sauves d'argent en santé puis en justice. Fait que je comprends pas qu'ils comprennent pas ça. C'est sûr qu'ils veulent sauver de l'argent. Fait qu'ils devraient maintenir... En fait, il faut qu'ils retirent dès maintenant toutes ces coupures-là. Mais c'est pas bien ce que vous me dites. Cela étant, la grogne populaire, effectivement, est en train de s'installer. Les assistés sociaux ont manifesté cette semaine au Square Vigée. Est-ce que c'est pas dangereux que tout ce monde-là se mette à bouger comme ça tout d'un coup? Je veux dire, c'est pas des plans pour qu'ils tombent tous malades d'une angine de poitrine? Ben, vous le savez pas, mais vous pouvez pas imaginer comment ce monde-là marche à tous les jours. D'ailleurs, notre gouvernement nous fait marcher en maudit parce que, pas juste marcher parce qu'on est en maudit puis qu'on veut que cette loi-là soit retirée, mais marcher parce que quand il s'agit de l'angoisse fiscale des entreprises, là, ça prend pas 2 semaines, Jean-Sébastien, et toute la machine est revirée. Alors que quand on parle de vivre avec 7 500 $, là, ils vont nous étirer ça des mois et des mois. Alors, on va être encore dans la rue, puis même si je suis pas assisté social, je vais être avec eux autres. Tableau, dites-moi pas que je suis encore en train, malgré moi, de déboulonner des préjugés dans ma chronique. Je peux pas croire, en tout cas. Mais je suis pas encore totalement convaincu que je serais pas heureux de vivre à Montréal-Nord. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre ma réflexion. Ben, je vous remercie, Jean-Sébastien. Hein? Puis, c'est toujours le fun d'être sur le bord de la ligne comme ça, puis de se faire mettre dehors dans 5 minutes. Ben oui, c'est un plus. Merci beaucoup à Fred, notre deuxième invité. Il a remplacé Gilles Duceppe à la tête du seul parti fédéralo-souverainiste de l'histoire du Canada. Accueillons le chef du Bloc québécois, M. Daniel Payet! Monsieur Payet! Allez. Bon, bonjour! Bonjour! Bonjour quand même! Ben, hein. C'est une très belle histoire. Le seul problème avec Fred Savard, c'est que c'est un humoriste. Non, mais j'ai quand même escamoté les détails moins le fun. C'est vrai qu'il ressemble à Couillard. Mais là, la semaine... mais là, la semaine prochaine, c'est Couillard qui va te ressembler. Ça, c'est vrai. Monsieur Payet, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Moi toujours, aussi. Surtout très heureux d'avoir appris récemment que ça existe encore, le Bloc québécois. Ça existe toujours, le Bloc québécois. Et là, on va en parler, justement. Ça existe encore pour vrai. Ça existe encore pour vrai. Regardez la preuve, là, c'est que vous m'avez invité. Oui, non, je sais, mais okay. c'est déjà pas un addon. Encore une fois, Parce qu'on a passé en dessous du radar en 2012. Oui. Ça, c'était à peu près normal après le dégelé qu'on a eu en 2011. Mm-hmm. Mais il reste qu'il y a des Québécois qui y a eu 25 % des gens qui ont voté pour le Bloc en 2011. Ouais. Puis là, bon, aujourd'hui, moi, j'ai une job, je fais le tour du Québec, puis les gens disent regarde là, ils ont pris de l'orange croche pas mal, et puis là, ils se disent peut-être qu'on va revenir à la bleue. D'ailleurs, je serais candidat. Oui, justement. Justement, j'allais me demander. Mais c'est pas de la bleue. Non, c'est pas de la bleue. Ça s'appelle de la Gutenberg, d'ailleurs. Bon, d'accord. OK. C'est un produit québécois. Hein? Non, on y espère que vous. Oui, oui. Pas le mal de Bloc. Bravo. C'est bien, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai. Merci. Bon. Oh! Ben oui. Wow! OK! Nice! Mais ça, justement, là, ça existe encore. Vous avez fait 34 000 km au Québec durant la dernière année. Mon auto, oui. Dans votre auto? Ben oui, j'espère parce que vous n'avez pas location. Non, c'est kilométrage illimité. Ah, mais effectivement, ça faisait partie des engagements que moi j'avais fait quand j'ai pris ce job-là. Mm-hmm. Puis 2015, ben c'est dans deux ans. Ben oui, 34 000 km, c'est possible parce que justement, vous n'avez pas de job à Ottawa, vous. Non, vous l'avez perdu. J'ai perdu ma job le 11, c'est quoi, c'était le 2 mai 2011? C'était le 2, ouais. C'est comme le 11 septembre, ça, c'est pour ça que je comprends. C'est la même journée qu'ils ont tué Ben Laden. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est et oui, je suis en congé sans solde du Parlement. Ah! Oui, c'est ça. Sans solde, c'est ben chance, oui, ça. Parce que je vais revenir en 2015, du moins, je l'espère. Fait que j'ai le temps de passer tout mon temps plein. Mais là, on se pose la question encore avec 5 députés, parce que vous avez réussi à faire virer de bord Claude Padry. Oui. Ben oui, tranquillement. Ça s'en vient. C'était un des souverainistes qu'il y a dans le caucus du NPD. Il y a plein de souverainistes. Et puis, ils sont connus. Hein? Layton le savait, Thomas Mulcair le savait. Lui a décidé de garder ses principes puis de ne pas espérer une limousine parce que dans deux ans, parce que moi, je ne peux pas offrir de limousine à des gens. Là, pour vous n'aurez jamais le pouvoir. Non, je ne serai jamais premier ministre du Canada. Non, ça n'a pas fait partie de mes plans. Non plus. Non. Bon, ben ça veut dire que vos plans, ça va être éventuellement de remplacer Pauline comme tout bon chef du Bloc. Vous voulez être premier ministre du Québec? Non. Non plus? Non. Mon Dieu, ça n'a pas d'ambition. J'ai déjà été ministre au Québec, là. Oui. J'ai pas cette ambition-là. Vous avez été ministre? Je laisse ça à d'autres. Ministre de la technologie. Industrie, commerce, sciences, technologie. Dans ce temps-là, en 94, sciences, technologie, c'était pas. Ça commençait. Oui, Internet, c'était différent d'un nettoyeur. C'était quelque chose. Vous avez. Ouais. Arrêtez donc. Est-ce que vous avez, comme Al Gore, inventé l'Internet à votre époque? Non, je n'ai pas inventé l'Internet. Mais je me souviens qu'en 95, là, il y a eu le premier site du gouvernement du Québec sur Internet. Ouais. Ah! Oui. C'était un Commodore 64, là. Oui, bien, ça roulait. Au charbon. Ah, c'était la grosse époque du charbon. C'était, la grosse époque d'RBO aussi. Oui. Pour vrai, je me souviens de ça. Oui, c'était une richesse naturelle. C'est notre séparation. Ben, c'est ça, grosse époque d'RBO. On a failli se séparer aussi, mais c'est ça, on a manqué. C'est vrai, hein? C'était. Ça a été. Il y a une des deux séparations qui a fonctionné. On va parler un peu du NPD parce que c'est eux qui ont l'équipe au Québec. Est-ce qu'ils font une bonne job? Honnêtement, là. Certains. Vous n'êtes pas là. Moi, je ne suis pas là, mais moi, je suis à la Chambre des communes parce que je suis la période de questions. Ah oui? Parce que, oui, je vais je suis en haut, là, dans la Chambre à haute. Puis je dois dire qu'effectivement, il y a certains députés du NPD du Québec qui font une bonne job. Mais il y en a d'autres. Je pourrais pas les nommer, là, parce que ça serait gênant. Non, mais c'est parce que je voudrais pas, là. Ouais. Il y avait le petit Patry faisait une bonne job. Mais bon, Patry était un de ceux-là. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens qui ont des racines, mais la majorité, c'était des poteaux. Puis tu sais, un poteau, ça n'a pas de racines. Effectivement. C'est une belle... Non, c'est bien dit. On a regardé récemment les sondages. On a eu des sondages au Québec. Mm. Le PQ a donc descendu. On est rendu à 31 %. Oui. Le PLQ a remonté. On est à 30 %. Est-ce que ça ne donne pas un indice de ce qui va se présenter aussi au fédéral lors des prochaines élections? Un sondage, là, c'est l'image maintenant. Okay? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Puis l'élection au Canada, mm-hmm. ça va avoir lieu en octobre 2015. Oui. Là, c'est loin. Okay? Tout à fait. En octobre 2015. Puis là, moi, quand j'ai été élu, avant, le parti, le Bloc québécois, était dans 15%. Ouais. Ensuite, notre leadership, je suis arrivé, ça a monté un peu. Ensuite, Tom Mulcair est arrivé, les autres sont montés. Ouais. Là, Justin Trudeau va être couronné, hein, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, Abemousse Papam, là, les libéraux ouais. vont dire ça. Et puis, là, ça va monter. Puis après, Pierre Elliott de deux. Ça va être... ou Justin the First. Okay, bon. Et dans ce moment-là, on verra la tendance. Ouais. Mais c'est à travers le Canada. Puis au Québec, ben, c'est de savoir, ils se reconnaissent dans qui? Vous avez déclaré d'ailleurs que vous aimeriez être le dernier chef oui. du Bloc québécois. J'aimerais ça. Ça qu'on veut... ferme tout de suite après. OK. Ben, je vais vous dire une dernière chose avant qu'on se quitte. Pourquoi est-ce qu'on se quitterait tout de suite? Ben non, mais on se parlera moins. On va se parler okay. moins. C'est la seule affaire. On peut se parler encore, mais moins. OK. Parce que le danger que Fred dise des mots grossiers encore. Puis on veut finir ça vite, pas qu'il y en ait d'autres. OK. Vous chialez bien contre l'NPD, là, mais l'NPD a fait un spectacle bénéfice, en fait, pour aider les gens de Radio-Canada. Un spectacle en soutien à Radio-Canada. Vous, là, le Bloc, là, vous auriez pu faire un show comme ça, à 5, là, un go drum. Ça serait bien que Radio-Canada fasse un spectacle en soutien pour le Bloc québécois. Ben, on vous envoie déjà tellement de monde à chaque année ouais. ben, au PQ, mais c'est pas grave. Ah, ben, c'est ça. C'est ça. On vous donne du monde, vous autres. Vous devriez nous aider, je pense. Ah, ben d'accord. Bon, merci. Okay. On a une entente. Bon, ouais, bingo. On est d'accord. Parfait. Fred! Il ne doit pas son emploi à un conclave et ne porte pas de robe, du moins jamais en public. N'en reste pas moins que c'est le pape des ondes jambonnes. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Olivier! Oui. Quoi de neuf cette semaine? Eh bien, vous le savez, cette semaine a été le théâtre des manœuvres d'une organisation occulte qui impose son dogme sur toute la planète pour contrôler les esprits. Oui. Je parle bien sûr des écologistes qui, selon le George Orwell de Cogeco, Sylvain Bouchard, ne sont qu'une façade qui cache le grand complot environnementaliste. Ah. Je suis un parano et j'assume ce que je vais dire. Le but, c'est pas protéger la planète. L'agenda vert, c'est pour tester jusqu'où le gouvernement peut contrôler les citoyens. Chacune des mesures environnementales, c'est empiéter un petit peu plus sur ta vie privée et ta liberté pour en arriver à un contrôle le plus total et absolu des citoyens par le gouvernement. Ouais. Mais il y a de l'espoir. La résistance s'organise et l'industrie pétrolière nous aidera à retrouver notre liberté d'être dépendant du pétrole. Yes! Une autre façon de contrôler les esprits qui a beaucoup fait jaser dernièrement, ce sont les pubs pour contrer l'homophobie. Plusieurs, comme José Morissette de Radio X, ont trouvé ça dégueulasse. Mais elle a le droit à des amis gays. Et moi, quand je l'ai vu, je fais barque! J'ai fait le saut. Parce que tu t'y attendais pas. C'est ça, puis c'est pas parce que je suis... Tu sais, regarde, je vais dire encore une phrase. C'est pas parce que je suis homophobe, parce que j'en ai des amis. Non, mais tu comprends. C'est pas... J'ai fait le saut. J'aurais vu deux chiens qui se prennent, j'aurais fait la même affaire. Ben! C'est sûr! C'est l'analogie. Ben, c'est ça. C'est finement observé. Ben, yeah. Deux Doberman, c'est deux Doberman, hein? C'est les auditeurs d'Éric Duhem, ça. Oui, non, c'est pas les auditeurs, c'est les animateurs. OK. Allez-y. Ben, dégueulasse, hein? Oh, oui, c'était carrément. Je trouve pas ça dégueulasse, c'est juste que j'ai fait le saut d'entendre ça en 2013. D'ailleurs, Jeff Fillion non plus n'a rien contre les homosexuels tant qu'il pose pas des gestes homosexuels. Si bien, s'il se freine devant moi, ça m'écoeure. C'est pas que je veux pas aimer ça. J'aime pas ça. Il y a des gens qui me disent, c'est pas ça que le foie, t'aimes pas ça, toi, mais tu manges pas de ça, du foie. Non, ça me lève le cœur. J'aime pas ça, du foie. Il y a des affaires qu'on contrôle pas. Ouais, pourquoi ils nous forceraient à regarder des pubs de même quand il y a personne qui nous force à manger du foie? Ben, à part nos mères, là, tu sais. Mais il paraît qu'il y a bien du fer là-dedans, c'est bien bon. C'est ça. En tout cas, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, Denis Gravel de Radio X nous avait expliqué que l'université, c'est comme un McDo. Ben, sachez que selon la théorie unifiée de Denis, tout phénomène complexe peut se réduire à un Big Mac. Est-ce que c'est la job d'une station de radio de faire découvrir les fleurons de la musique québécoise? On est des shops fast-food. On vend des Big Mac. Qu'on soit au micro ou qu'on fasse jouer des tunes, on est des shops de masse. Voyez-vous McDo commencer à engueuler ses clients parce qu'ils mangent pas de salade, mettons? Ben non. Puis la radio fast-food commencera pas à engueuler ses auditeurs parce qu'ils digèrent pas bien les opinions graisseuses, non. À Montréal, par exemple, là, si Radio X marche pas, là, ils vont fermer la shop puis les animateurs vont être parfaitement formés pour se trouver une job chez McDo. D'ailleurs, là, selon les derniers sondages, Radio X Montréal n'obtient que 0,6 part de marché. Un échec, vous dites? écoutons Jean-Charles Lajoie nous expliquer que pas en tout. On est donc right on the target, directement dans le milieu de la cible, avec nos parts de marché après 6 mois. Bon, faut nuancer un peu, là, ça c'est chez les... 25-54 ans. OK, mais encore? Chez les 25-54 ans hommes. OK, OK, les hommes. Fait que c'est tout? De 16h à 19h. Ah! Fait que 3 heures par jour, il y a un peu d'hommes moyennement vieux qui écoutent la seule émission animée par un gauchiste. Oh, que ça a dû festoyer dans les bureaux de Radio X quand ils ont su ça, hein? Oh. Heureusement, Carl Monette de l'émission du matin a décidé de ne pas se décourager. Devant l'adversité, il a tenté de repousser les limites de l'innovation pour conquérir le public montréalais. Une discipline que je connaissais pas avant hier matin, le lancer du caca. C'est un homme qui a vu ça à un moment donné sur Internet puis qui s'est dit, attends une minute, moi aussi je suis capable de lancer mon caca plus loin que le gars qui était que j'ai vu de Vancouver. Et on l'a en ligne ce matin, il s'appelle Sylvain Tremblay. Monsieur Tremblay, bon matin. Bon matin à vous autres, les gars. Ah, les gars. Ça va être quoi la prochaine étape? Là? Une recette de foie de veau, des chiens qui s'embrassent? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les codes d'écoute, hein? Merci, merci Olivier. Ah. C'est une entrevue de 15 minutes avec le monsieur. D'ailleurs. Oui, oui. J'espère qu'il donnait des trucs, en tout cas. Ah. Avec toutes ces histoires de pape, on n'a presque pas parlé de la commission Charbonneau cette semaine. Et pour pallier à ce manque de visibilité, on a décidé de faire une petite pub pour vous rappeler que ça ne va pas bien à Montréal. Bonjour, bienvenue à cette annonce. Pourquoi ça s'appelle collision directe? C'est simple, parce que la mafia fait affaire direct avec les compagnies de construction qu'elle a créées, mais si elle fait affaire avec la ville directe, ça fait beaucoup plus d'argent qui va direct dans les poches de la mafia. Ce qui leur permet d'avoir des sous bien plus beaux que ceux que je porte dans mes pubs. Chez Collusion Direct, on n'a pas de maison à vendre, on a juste du monde vendu. Collusion Direct! J'en ai tant parodié! Ben, ouais. Je le sais! C'est la célébrité. C'est le retour du balancier. C'est exactement ce que je me disais! Ouais. Jean-Sébastien Girard! Ah! Toujours avec Madame Manon Massé. Et je poursuis cette chronique où je fais semblant d'être à droite pour être drôle et pour dénoncer via mon humour corrosif et sans concession les inepties du système. C'est ce qu'on appelle de l'humour social. C'est ben ben drôle et j'ai pas besoin de dire le mot « noun ». Donc, avant de prendre ma décision, Manon, j'ai préparé une liste de questions en rafale sur la réalité des assistés sociaux, des affaires qu'on va vérifier, puis ensuite, je pourrai prendre ma décision. Alors, un, les BS. Ils font exprès d'échouer les tests de vision chez l'optométriste pour pouvoir revendre leurs lunettes après pour s'acheter des poules aux œufs d'or. Vrai ou faux? Non, mais inquiète-toi pas. Tu sais, ils arrivent même pas à avoir un rendez-vous avec leur agent d'aide sociale pour avoir la prescription de lunettes. Fait que je pense pas qu'ils vont avoir aussi des rendez-vous pour pouvoir se trouver une job. Mon Dieu, vous êtes une femme en colère. Autre question. Le premier du mois, si je vais aller au casino, est-ce que je suis mieux d'y aller en métro? Je veux dire, le stationnement doit être bien impacté, j'imagine. Mais inquiète-toi pas, à 104 piastres par mois, tu vas être obligé de vendre ton char, ce sera pas long. Puis en plus, ben, t'auras même pas assez d'argent pour t'acheter un ticket d'autobus. Mon Dieu, que vous êtes rabat-joie. Autre question. Si je suis sur le BS, est-ce que je suis obligé d'assister à l'émission à la semaine prochaine? Oh, hey, écoutez, je suis pas José Lito, là. Écoute, si c'est gratuit, ben c'est le fun, parce qu'on cherche beaucoup les trucs gratuits, mais ceci étant dit, la question d'obligation, ben on va peut-être la prendre dans la prochaine Gazette officielle. Dernière question. La semaine prochaine, je vais être enfin en vacances. D'ailleurs, je vous annonce maintenant, Jean-Philippe Bottier, que je ne serai pas là vendredi prochain. Good. Je serai dans le sud. Alors, ma question maintenant, est-ce que ça pourrait me causer un problème? Je veux dire, est-ce que je pourrais me faire couper mon check s'ils savent que je suis en train de faire la bamboule à Cuba? Ben, absolument. Si je comprends bien, le NOE, dans leur logique, Jean-Sébastien, ils mettent pas mal plus d'argent à courir après ceux qui en ont pas qu'après ceux qui en ont trop, c'est-à-dire de notre argent. Eh, boy. Ben moi, honnêtement, j'ai plus vraiment de joke à faire là-dessus. Je suis complètement mitusé et transformé. Tout ça vient de me convaincre, Jean-Philippe, de rester avec vous et de garder mon salaire de BS à Radio-Canada. Mais je vais quand même prendre ma semaine de congé, Jean-Philippe. On se retrouve le 29 mars. Manon Massé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez maintenant aller vous recoucher. Merci, Manon. J'aime ma gang. Hey. Une semaine, ça sera pas de trop, hein? Non, boy. Si on peut s'en passer même deux. Ouais. Bon, Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire profite de la folie du Vatican pour scruter les grenouilles de bénitiers parmi nos élus. Voici donc la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Et bonsoir. Jean-Philippe. On est tous pendus à vos lèvres charnues et invitantes. Oui, merci. Il faut savoir que c'est Jean-Philippe qui écrit mes intros. Pour savoir comment, en fait, on veut savoir comment on réagit la classe politique à l'élection du pape Frankie. Ah, il était très content. Surtout Justin, en fait, très, très content d'être ainsi plébiscité. excellent choix, dit-il, surtout venant de son, son candidat rival, là, Marc. Ouais. Ouais. Très hâte d'enfiler son chapeau de chef avec du poil, si possible. François Legault, lui, a vu quand même un signe dans l'élection d'un François 1er. Ouais. Il ajoutait... Ah. Ministre après. Ouais. Et bon, au bloc, quand même bien réagi. Là, pour être au bloc, de toute façon, il faut avoir la foi ces temps-ci. Oui. Oui. Au NPD, communiqué de Thomas Mulcair, qui a même félicité, et je cite, sa sainteté, François. Déjà? Oui, comme Raël. Oui, exactement. Ah ouais? Et c'est étonnant parce que Stephen Harper, lui, n'a même pas envoyé de communiqué de félicitations, mais il a annoncé hier qu'il allait envoyer le gouverneur général pour son inauguration, ce qui n'est pas bien, bien fin. Donc, ça augure peut-être un petit froid diplomatique entre le Vatican et le Canada. Mon Dieu, mais les conservateurs sont quand même reconnus pour être assez près de la religion. Ben, la preuve, c'est qu'on vient juste de se doter à Ottawa d'un bureau de la liberté des religions. Oui, 5 millions de dollars. Oui, oui. Au Québec, c'est des chantiers. Eux autres, c'est des bureaux. Ça, c'est distinct. Hein? Ouais, c'est ça. Et c'est sûr qu'après avoir scrappé droit et démocratie, Cathy Mavic, fallait bien une coquille vide pour nommer quelques militants conservateurs. Ouais. Hein? Puis tu sais, eux, la démocratie, la Palestine, le bénévolat, là, pas trop leur truc. Alors, le mandat du bureau, c'est faire la promotion de la liberté religieuse partout dans le monde, parce qu'on sait que la religion, dans le monde, il n'y en a pas assez, puis c'est la seule chose qui ne provoque pas de conflit. C'est vrai. C'est juste du beau. Mais on a quand même l'impression qu'il y en a certains qui sont encore plus catholiques que le pape dans ce gang. Je lance ça. Pas Stephen Harper. Non. Il est protestant, lui. Oui, évangélique. Sa religion, c'est le hockey. D'ailleurs, on s'étonne que Don Cherry, le designer de Yves Pelletier, n'a pas été encore nommé. Hey boy, the boy! Bon, monsieur Harper rencontre des groupes de pression ultra-religieux, moins dangereux quand même que des chefs autochtones qui font la grève de la faim. Ouais. Mais même si le cardinal Ouellet lui avait demandé en 2010 d'interdire l'avortement, même en cas de viol, il veut pas rouvrir le débat sur l'avortement, surtout quand il regarde ce qui se passe au Sénat. Il tente un peu de tuer ça dans l'œuf. Ouais, mais il y a quand même à peu près 87 députés qui seraient contre l'avortement, dont une dizaine de ministres, notamment le ministre de la Justice lui-même, Rob Nicholson, celui de la Sécurité publique, Vic Taze, qui est fils de révérend quand même, et notamment Gary Goodyear, qui est ministre des Sciences et de la Technologie, qui en plus a la chance de croire au dessin intelligent, ce que tout le monde appelle le créationnisme. Ben oui, Donc, les dinosaures étaient trop lourds pour embarquer sur l'arche de Noé et des affaires de même. C'est vrai. Les éléphants, ils ont à peine tenu. Ils n'ont pas tout pris. Ben, gars. À sa décharge, il s'est quand même rétracté en disant qu'il croit à l'évolution. Et je le cite, il a dit « Nous évoluons chaque jour, chaque décennie. L'intensité du soleil, les espadrilles, les talons hauts. Nous évoluons face à notre environnement. » C'est ce qu'on appelle une réponse à la Justin. Ouais. Alors, vous voyez, Jean-Philippe, il n'y a pas seulement au PQ qu'on recule. Ah! Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et pour une des rares fois, je suis très heureux de dire que l'émission est déjà finie. J'en pouvais plus. On vous invite à rester à l'écoute. Pas à cause de vous, hein? Ben, à cause de tout le reste, là. L'autre avec ses mots grivois. Enfin, restez donc à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret. Plus on est de fous, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Valentine Sicotte, Jean Gagnon, Philippe Robert, j'ai Marie-Hélène Vautier. Un gros merci à nos invités de ce soir. Yves Pelletier, on attend votre prochain film, deux, votre prochaine saison de Partir Autrement, trois, prochaine annonce. Votre prochaine publicité de Proprio Direct. On a très hâte et bravo pour votre Franco Nouveau, là, votre chandail. Oui, ben, il est extraordinaire. Oui. Daniel Payet, on se prépare pour les élections de 2015. Oui. Un autre 35 000 km cette année? Oui. D'accord. C'est pas une voiture électrique, je dis ça, mais c'est parce que... Non. Ah, mon Dieu, encore un complot. C'est le terrain. OK, parfait. Ben, bon terrain. Merci. Mettez des gants. Oui. Quant à nous, si vous voulez nous réécouter, notre balado est disponible sur notre site web. Et pour assister à l'émission, on enregistre jeudi prochain, 17h, nos invités, Raymond Gravel, l'abbé Raymond Gravel, qui va venir nous parler du prochain pape. Et un invité surprise, peut-être Franco Nouveau. Alors, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.